J'arrive en Wheezy dans Carter 3. J'ai mis la zipette dans son Wonderbra. J'finis au trou car je vendais la drogue. Il me faut le même avocat qu'Young Thug. Il me faut le même avocat qu'Assap. Une suite, une pétasse qui pense qu'à ça. Pour à peine 6-7 points, les petits antalogues font danser comme sur Kassav. Et au parloir, j'ai une Sharon Stone. Un contact à plus de 40 tonnes. Bombardé comme sous 40 drones. Une caisse de luxe et des parents pauvres. Dans ma grotte armée comme Oussama. À Paris sur le terrain comme Ousmane. La pétasse a déjà donné 6 go. Les petits veulent braquer des 6 gros. Et j'enroule un dans ma suite de luxe. Je chaîne le scénario d'un film de Huck. Bien sûr le Audi est Grinardo. Sur la table j'ai le salaire de Ginarco. Et j'étais bien plus dangereux que 21. À 21. Et j'avais déjà le 22. À 21, j'arrive en chef kiff dans Love Sosa. Love Sosa. On sait que t'as chié, on t'a grave saucé. Donc j't'envoie un petit si t'as besoin de quoi que ce soit. Moi c'est des liasses et des liasses, j'empile. J'suis trop cramé dans l'RS en ville. Toi t'es un rookie, tu restes tranquille. En major, je vaux 4 x 400 000. Bloc chez la nounou à côté du bébé. J'les mets à genoux, je vais les aider. Ouais, elles sont beaucoup à me faire des coucous. Les diamants sur mon cou, c'est pas des hé-hé. T'es bon, mais tu chauffes le banc. J'leur fais un signe, ils te rentrent dedans. Jeune, frais, riche, 3 entreprises et j'ai mes 30 dedans. Le temps fait qu'on revienne à la base ça fait qu'on n'a pas step up. Dieu, la famille, les amis, ma chérie, mon flingue et tout le reste, on fuck. Moi, j'fais que des platines, du roro, des diamants, j'suis encore en pleine croissance. Et nous, quand on rappe, c'est couplet indémodable jusqu'en 2300.